c'est assez facile, j'ai fait qu'un seul petit refrain. La la la, la la la. Bon, je vais pas vous embaucher pour le concert ce soir parce qu'on va se faire virer là. Et y a un maire qui me regarde par la fenêtre. Il me dit c'est quoi ce bordel? Il va pas tarder à s'envoler. Ah ça y est, ça vient. Enfant de tout pays, tendez vos mains meurtries. C'est dans vos mains que demain notre terre sera confiée. Bon, on va la faire propre. Je partirai au prochain train. Enfant de tout pays, tendez vos mains meurtries, semez l'amour et puis donnez la vie. C'est dans vos mains que demain notre terre sera confiée pour sortir de la nuit. Et notre espoir de revoir la lumière est dans vos yeux qui s'éveillent à la vie. Séchez vos larmes, jetez vos armes. Faites du monde un paradis. Allez, enfants de tout pays, tendez vos mains meurtries, semez l'amour et puis donnez la vie. Il faut penser au passé de nos pères. Et c'est quoi ce canard derrière? Il y a un canard. Bon, je vais enlever le violon, ça vous perturbe les violons. J'enlève le violon. Enfant de tout pays. Ah, peut-être que le violon est un peu faux. Le violon est faux. Voilà, là ça va être plus facile. C'est le violon qui faisait la merde, qui foutait la merde. Alors au canard. Fais gaffe Mister Z parce que Diville c'est. Niveau guitare il est très très bon. Et il a l'oreille musicale toi. Mesdames et messieurs, dans quelques instants nous allons vous interpréter une chanson d'Enrico Macias. Mais nos musiciens sont en train de chercher les accords. D'ailleurs le guitariste est parti. Donc nous avons plus de guitariste, il nous reste un clavier. Est-ce que tu es prêt au clavier? Tu as trouvé la gamme? Je te laisserai tout plein de place pour faire un solo. On va y aller. Tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Allez, c'est parti. Enfants de tout pays, tendez vos mains. Non, il n'est pas prêt. Tu vas trouver, tu vas trouver. Quand t'es prêt. Bon, je vais y aller. Enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtrissez mes l'amour. Ah, c'est pas ça. C'est pas ça. En fait, il y a deux gammes. On y va ? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écouter, je voudrais lui dédier cette chanson. Si tu veux bien. De tout pays et de toute. On y va. Que demain. Ah, j'arrive pas, merde. Attends. Je vais le faire au prochain.